Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. On s'appelle et on est jeune. Donc, c'est maintenant le moment. Et oui, c'est maintenant le moment. C'est maintenant le moment de quoi? C'est maintenant le moment de où? C'est maintenant le moment de... Et maintenant, voici les tops de l'insolite. Et oui, top de l'insolite. Donc, ce matin, cette façon dont... cette façon incroyable, en plus, dont la musique... de façon... que la musique peut influencer votre corps ainsi que votre cerveau. Et ça, c'est selon la science. Ça nous vient de cracked.com, bien sûr, site où on retrouve une multitude vraiment incroyable de top de n'importe quoi. Et donc, c'est une très bonne source d'information lorsque vous cherchez à faire des tops de l'insolite tous les matins. Eh bien, première fonction que la musique a, en fait, première chose que la musique donne au corps ou qu'elle aide au corps, qu'elle répare ou qu'elle... enfin, voilà, septième, numéro 7, elle répare, la musique répare les dommages au cerveau. Effectivement, donc elle répare les petits problèmes qu'on pourrait avoir. Comment ça fonctionne, en fait, ça s'appelle la Melodic Intonation Therapy. Si vous voulez, c'est chanter jusqu'à temps que vous puissiez parler. En fait, c'est une thérapie qu'on offre ou qu'on conseille en fait aux gens qui ont eu un problème, un ACV ou donc n'importe quel type d'attaque qui permet plus au côté gauche du cerveau de parler, puisque le côté gauche contient le centre de la parole, mais le centre de la musique, le centre du chant, se retrouve du côté droit du cerveau. Donc, si votre côté gauche a du mal à fonctionner, vous ne pouvez plus parler, vous êtes devenu muet, eh bien, entraînez-vous à chanter et à siffler de la musique et jusqu'à temps que vous puissiez parler. Donc, c'est tout simplement dire à votre cerveau, oublie complètement le côté gauche lorsqu'il vient le temps de parler et utilise le côté droit. Et là, c'est sûr que, comme l'a dit le site, c'est quand même jeter du revers de la main des centaines de milliers d'années d'évolution. Mais donc, c'est possible de le faire. Il y a des gens qui ont réussi. Mais quand même, ça demande une bonne mise en contexte. Il faut quand même travailler très fort pour y arriver. Numéro 6, maintenant, comment des choses incroyables que la musique peut faire sur notre corps, des effets incroyables, des choses vraiment débiles. Eh bien, la numéro 6, la musique peut vous aider à vous défaire d'une dépendance. Et oui, donc, la musique qui affecte directement les neurotransmetteurs du cerveau qui envoient les informations à la tête. Alors que les drogues, elles, coupent un peu les liens avec les neurotransmetteurs. En fait, leur dit aux neurotransmetteurs, fais plus de liens, fais plus rien pantoute, on va être correct. Et donc, vous devenez dans un état second, un état très très relax où le cerveau n'a pas grand chose à faire. Et lorsque vous arrêtez de prendre ces fameuses drogues, le cerveau est habitué maintenant de ne plus envoyer le même niveau de neurotransmetteurs. Fait comme, ben là, tu me dis que j'en ai plus besoin, mais là, j'ai plus rien qui me dit que j'en ai plus besoin, mais je peux plus en faire autant. Donc, ce que ça fait, c'est que la musique, en fait, va réactiver vos neurotransmetteurs, puisque donc, si vous en écoutez beaucoup, ça va monter le niveau des certains neurotransmetteurs chimiques, certains petits produits chimiques qui sont créés par les neurotransmetteurs qui vont venir aider. Et selon le site cracked.com, c'est la meilleure façon de ne pas revirer comme Joaquin Phoenix. Et pour ceux qui savent pas de quoi je veux dire, mais allez voir les photos récentes de Joaquin Phoenix avec sa grosse barbe, lui qui est rendu un rapper maintenant, n'est plus un artiste. En tout cas, c'est un autre sujet. Maintenant, numéro 5, des façons incroyables que la musique peut influencer le corps humain, eh bien, ça peut augmenter ou booster votre système immunitaire, eh oui. Donc, comment ça fonctionne, en fait? C'est tout simplement qu'il y a certains types de musique qui vont influencer votre niveau de stress et ou vont vous calmer. Et c'est une façon, donc, de permettre au corps de se reposer, d'être dans un état de repos et donc de moins travailler à défendre votre système immunitaire, mais plutôt à construire la dite défense. Et donc, c'est le type de musique qu'on appelle, en fait, il y a du jazz, du bluegrass ou du soft rock qui avait un effet quand même assez fort sur la réduction de stress et augmenter donc la santé. Mais comment on peut faire, donc, comment est-ce qu'on peut pas être stressé, mais en fait, c'est en n'écoutant pas le jazz, le bluegrass et le soft rock. Non, c'est pas vrai. Mais c'est lorsqu'on cherche à savoir quelle musique, en fait, est bon pour nous, quelle musique qui nous stresse, bien, demandez-vous tout simplement, lorsque vous écoutez certaines pièces de musique, est-ce que j'ai le goût de me lancer, de frapper la tête partout, de frapper le monde d'en face en écoutant ma musique, ou je suis bien, je suis relax. Bien, ça peut être aussi bon. Je me rappelle, lorsque j'étais un adepte de métal, c'était la musique que j'écoutais avant d'aller me coucher. Donc, ça peut avoir certaines propriétés pour différentes personnes selon le style de musique qu'on écoute. Et donc, la musique peut vous aider à avoir un meilleur système immunitaire et diminuer votre stress. Numéro 4, maintenant, vous pouvez prévenir les ACV et les crises donc avec la musique. Comment ça fonctionne? En fait, c'est la super-organisation du cortex cérébral. Donc, ça peut avoir l'air un peu bizarre comme musique. Comme concept. Mais en fait, c'est tout simplement, lorsqu'on écoute de la musique, on pratique notre cerveau donc à être actif et à fonctionner d'une certaine façon. Donc, on envoie des informations constantes au cerveau qui viennent empêcher à celui-là de se mélanger, de faire un nœud dans ses cordons et de tomber à terre. Hein? C'est pas trop le fun quand ça arrive, ça. Numéro 3, maintenant, des choses incroyables que la musique peut faire sur votre corps, des effets de la musique sur le corps vraiment incroyables. Eh bien, la troisième position, et ça, vous l'avez toutes déjà vécu au moins une fois dans votre vie, c'est le retour de mémoire perdue grâce à la musique. En fait, comment ça fonctionne? C'est que la musique s'engage dans les deux hémisphères du cerveau, mais elle va tout simplement, un peu comme la conversation, elle va exciter l'hippocampus, oui. L'hippocampus, c'est un nom de jeu, mais l'hypothalamus plutôt, l'hippocampus, je sais pas, en tout cas, une partie du cerveau qui se nomme hippo quelque chose, qui en fait va venir réveiller. En fait, c'est lorsque vous écoutez une musique en particulier, vous vous promenez dehors, vous avez une conversation avec quelqu'un, il y a une pièce qui joue, la première fois que vous embrassez votre copine, il y a une pièce qui joue en particulier, vous allez vous rappeler de cela. Et lorsque vous allez réécouter cette pièce-là, on va envoyer le même signal à l'hippocampus. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va tout simplement réveiller ce sentiment-là que vous avez eu. Donc, si vous étiez triste en écoutant une pièce, eh bien, si vous la réentendez dans un autre contexte, vous pouvez encore ressentir ce même sentiment de tristesse puisque ça envoie tout simplement donc à votre au siège des émotions du cerveau, dire hey, t'es pas heureux là, t'es triste là à cause de telle affaire que tu vas te rappeler éventuellement. Et ça nous est tous déjà arrivé de vivre ça en écoutant une pièce de musique, n'importe laquelle. Moi, dans mon cas, l'effet le plus frappant, c'est lorsque j'écoute l'album Nevermind de Nirvana. Ça me rappelle toujours le printemps, puisque j'ai découvert cet album-là au printemps et ça m'a marqué. Donc, à chaque fois que j'écoute Nevermind, j'ai le même sentiment donc, d'être à l'extérieur, il fait beau, il fait à peu près une température comme aujourd'hui, au mois de mars. Et donc, ça fonctionne vraiment. Ça, c'est la partie, en tout cas, que je peux vous dire, c'est vrai, c'est testé sur moi. Deuxième raison, donc, numéro 2, en fait, des choses incroyables que la musique peut interagir sur le corps ou sur le cerveau. C'est vraiment fou, c'est vraiment génial. Eh bien, ça peut aider augmenter oui, le raisonnement spatial de quelqu'un. Et donc, lorsque en fait, vous écoutez de la musique, mettons en jouant à World of Warcraft, en faisant des examens, faisant des travaux, ce que ça fait, c'est que ça fait fonctionner encore plus le cerveau et que ça ouvre des endroits donc où plutôt le cerveau donc travaille encore plus. Hein? Donc, si vous écoutez n'importe quelle pièce, ça augmente l'activité dans des régions cruciales du cerveau et entre autres les centres de raisonnement, les centres de traitement d'informations qui laissent ouverts. Donc, c'est comme si la musique ouvrait la porte pour tout le restant qui va rentrer. Et donc, vous avez une meilleure façon de voir de développement spatial. Vous pouvez faire des meilleurs travaux. Vous pouvez également donc être un meilleur conducteur. Vous pouvez faire plein de meilleures choses puisque le cerveau donc est excité par la musique qu'il entend. Et entre autres, ce que les gars de crack.com donnent comme exemple, c'est il y a des gens qui se sont rendus compte de ça, qui se sont dit pour comment faire de l'argent avec ça. Il y a sûrement une façon. Eh bien, ils ont créé donc Baby Einstein, bien sûr. C'est Disney qui a fait ça pour aider aux bébés à développer leur raisonnement spatial et énerver leur petit cerveau. Les premières positions des choses que la musique peut faire, des effets de la musique sur le corps, des choses vraiment incroyables, eh bien, on peut donc en partie, et là, je dis vraiment en partie parce qu'en plus, la personne qu'on sort comme exemple, là encore, mais ça peut aider à guérir le Parkinson, effectivement. Donc, la musique, en fait, lorsque vous écoutez n'importe quelle pièce, on donne l'exemple de Bye Bye Bye de NSYNC pour dire que la personne qui écouterait ça aurait vraiment un mauvais goût musical, mais n'importe quelle pièce musicale vous fait, à moins que ça soit vraiment quelque chose de complètement éclectique, a un tempo. Vous savez, 1, 2, 3, 4. Et donc, le corps humain va tout le temps rechercher cette notion de tempo dans n'importe quelle pièce qu'on entend. C'est naturel pour le corps. C'est un peu la raison pourquoi on se met à taper du pied en écoutant une pièce, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ça ne veut pas dire qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais on se met à taper du pied et c'est la recherche de ce tempo qui fait que le corps donc, va adopter un peu ce tempérament, ce 4-4, ce 3-4, ce 7-8, peu importe la marque de tempo, le corps va l'accompagner. Et donc, ce qui peut aider à réduire un peu le Parkinson en général. Je crois pas vraiment que ça peut le guérir totalement, mais si vous écoutez de la musique et que vous êtes victime donc de cette maladie qui est le Parkinson, eh bien peut-être vous pouvez donc vous en sortir quelques temps en suivant un tempo bien rythmé. Et c'est le corps au complet qui va fonctionner comme ça. Tous les membres vont marcher de cette façon-là. Et ça fonctionne également sur d'autres organes du corps, non seulement le cerveau, mais ça fonctionne également sur le cœur, le tempo, bien souvent. Et aussi vice-versa. Admettons un batteur ou même un violoniste, n'importe qui a un tempo de cœur ou un battement de cœur irrégulier, eh bien, il va peut-être avoir plus de misère soit à garder le tempo ou à avoir un tempo juste. Parfois, ça peut faire des génies. Il y a eu des musiciens qui avaient des problèmes cardiaques qui étaient capables de jouer d'une façon incroyable qu'on ne comprenait pas. Il y a d'autres musiciens qui, malheureusement, ont besoin de se faire opérer parce qu'il faut absolument avoir le tempo juste selon l'instrument duquel on joue. Et donc, c'était le top de l'insolite, les 7 façons que la musique influence le corps et le cerveau, des façons vraiment géniales telles que prouvées par les scientifiques. Donc, je vous rappelle un peu ces 7 positions rapidement. On avait la première, 7e position, en fait, la première de ce top. On peut réparer les dommages au cerveau. Numéro 6, par la suite, on peut se guérir d'addiction, ou plutôt de dépendance aux drogues. Par la suite, on peut augmenter ou booster notre système immunitaire grâce à la musique en réduisant son stress. Par la suite, on peut prévenir les ACV, les attaques donc cérébro-vasculaires, cérébrales. Par la suite, on peut retrouver de la mémoire qu'on a perdue, des choses qu'on avait oubliées grâce à la musique. Par la suite, on a, au numéro 2, l'augmentation du raisonnement spatial grâce à la musique et comme la turbulence, mais l'achalandage qu'il y a au cerveau, donc qui nous permet de raisonner meilleur, de meilleur raisonner. Vous voyez, j'ai de la musique dans le cerveau et ça marche pas, mais c'est supposé fonctionner. Donc, on a une façon donc d'interagir différemment avec l'univers autour de nous lorsqu'on a de la musique dans les oreilles. Et par la suite, numéro 1 des choses que la musique peut faire, eh bien, ça peut partiellement aider aux gens qui souffrent le Parkinson puisqu'on s'adapte au tempo qu'on entend. Eh bien, donc, c'était le top de l'insolite du jour. J'espère que ça vous a plu. Top de l'insolite sur la musique, quand même assez complet aujourd'hui. C'était assez chouette. Donc, j'ai appris des choses en faisant des recherches là-dessus et j'ai bien hâte de les mettre à l'épreuve. La pilule du lendemain change de nom pour On s'appelle et on déjeune les matins sur les ondes du 89.1 FM. Rejoignez Simon Fitzbé et ses chroniqueurs pour une revue de l'actualité, le top de l'insolite ainsi que les carrés aux dates. On s'appelle et on déjeune du lundi au jeudi de 7h à 9h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM.